Eh bien, j'imagine que t'es prêt pour l'expérience? On est tes amis. Mais on est des mecs sympas. Vraiment. Un mot de plus et je te coupe de sangsues. T'as pigé? Route. Thank you.